donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr, pour suivre cette émission, la fameuse émission Johnny 2 à Z. Non, elle n'est pas morte, non, on n'est pas sur le point de finir cette émission, comme certains peuvent le prévoir ou le prédire. Non, non, elle est toujours là, cette émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette émission. Une émission live, oui, je sais, on n'est pas le premier mercredi du mois, évidemment, oui, avec les jours fériés qu'il y a eu, eh bien, on n'a pas pu présenter nos émissions respectives, Thierry et moi. Donc on se rattrape un petit peu pour ce fameux mois de mai, et encore c'est pas fini, les jours fériés et compagnie, mais bon, on va essayer de vous proposer le meilleur programme possible jusqu'à la fin du mois de juin. Et j'ai déjà des trucs à vous proposer pour le mois de juin. Ah ouais, ouais, ouais. Il y aura une émission spéciale avec Frédéric Quinonero et Rook Le Barge. Il y aura aussi une émission spéciale duo impossible numéro 3. Ouais, ouais, il y en a qui ont été faits entre temps. Enfin voilà, le mois de juin est encore rempli, il y a encore plein de choses à entendre, à écouter. Live ce soir que je vous propose, on va partir de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 2013 exactement, ouais. On va écouter dans ces années-là, justement jusqu'à 1990, deux titres par concert, et puis après on va passer un titre un par un de chaque année. Voilà ce qu'on peut dire, un bon petit programme en perspective. Et si je vous amenais tout de suite de voir Johnny Hallyday à l'Alhambra, voilà, il faisait la première partie de Raymond DeVos, c'était à l'Alhambra le 17 septembre 1960. Et ah oui, Johnny a été chahuté, hein. Il a été chahuté par le parterre, mais ceux qui étaient au balcon, évidemment, scandaient le prénom de Johnny, Johnny, Johnny. Pourquoi? Mais parce que ils entendaient ça et ça les rendait fous. Et oui, c'est normal, c'était les années 60. Le rock'n'roll était enfin arrivé en France grâce à Johnny Hallyday. Bonne émission à toutes et à tous, voici Johnny Hallyday sur RIG. Dans mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenirs, souvenirs de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour m'y garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Yeah. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, éliminant l'avenir, parce que mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Dimanche tu n'es pas venu, je me fiche un peu de tout et je me sens un peu perdu. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter, pourquoi s'amuse-t-il à me faire pleurer? J'ai revu le petit square où l'on se retrouvait le soir pour s'embrasser sur le banc sous l'œil amusé des passants. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter, pourquoi s'amuse-t-il à me faire pleurer? La vie, le soleil, le printemps et les fleurs, pour moi non plus de couleur. Même ce tout petit refrain que tu chantais d'un air câlin s'amuse aussi quelquefois à me faire le coup, tu souviens-toi. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter, pourquoi s'amuse-t-il à me faire pleurer? Les jours loin de toi semblent longs et sans joie. Oh, oh mon amour, reviens-moi. Oui, chérie, dis-moi qu'un jour tu reviendras vers nos amours. Car ton image est partout, je sens bien que je deviens fou. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter, pourquoi s'amuse-t-il à me faire pleurer? Quitte l'Alhambra pour arriver maintenant à Lausanne le 4 avril 1962 avec ses deux titres Wap Du Wap et Yaya Twist. Après le rock est venu une nouvelle danse, c'est le twist. Quelle bande insensée, t'es rencontré. Ouais, en croisant ton doux regard, tu m'as souri sans retard et je suis tombé. Car tu es jeune, oui tu es belle et tu aimes le tout. La twist, parce que tu le danses, tu que l'élégance. Oh oui, la chance m'a pris de l'œil et je pense avec orgueil que je suis gâté. Tu es jeune, oui tu es belle et tu aimes. Comme c'est bon de voir ton corps qui se balance devant moi. Taille, taille souple, qui ondule, me met dans mes états. Oui, oui, j'aurais pu tomber sur une fille gâtée. Oui, qui n'a pour unique plaisir que de lire ou de dormir, mais je peux sourire. Car tu es jeune, oui, tu es belle, et tu aimes le twist. Le twist, et twist. Thank you. qui se balance devant moi. Taille taille souple qui ondule, même mes dentures, mais oui, t'as un caractère parfois très amer. Oui, tu n'es pas sentimental, t'as l'air d'un jeune animal, mais ça me dégage. Car tu es jeune, oui tu es belle, et tu aimes le twist, le twist. Et tu aimes le twist, le twist. Et tu aimes le twist, le twist. Et twist. Oh oui, je l'aime. Je les connais là là, en plus dans le yaya. Ah, ah, ah. Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Ah, ah, ah. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Ah, ah, ah. Depuis ce jour, j'entends son frein. Ah, ah, ah. Dans mon cœur, je les connais là là, en plus dans le yaya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là? J'attends son retour en espérant nuit et jour. Je ne peux plus l'oublier. Ah, ah, ah. Je les connais là là, en twistant le ya ya. Ah, ah, ah. Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Ah, ah, ah. Ah, ah. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. Ah, ah, ah. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. Ah, ah, ah. J'attends son retour, la main pleine et le cœur lurant. Ya ya. Vous chantez une chanson qu'a composée pour moi mon ami Jean-Jacques Debout. C'est Je t'écris souvent. Merci. Joli 2 à Z en live ce soir. Sur RIG bien sûr, avec deux extraits à l'Olympia. Je t'écris souvent et tu n'as rien à tout ça. Je t'écris souvent. Je pense à toi chaque seconde, mais je ne sais pas si tu comprends combien je t'aime. La nuit me rappelle que nos deux cœurs remplis de peine s'étaient séparés. Espérons se retrouver. Je t'écris souvent, je t'aime encore. Que faut-il faire? Je voudrais souffrir sur cette terre. Tu ne réponds pas, je suis tout seul, ma vie, ma peine. Ta voix près de moi te serrer dans.

vous êtes prêts? Oh non, pas pour ça. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Je n'ai qu'un mot à vous dire, j'espère vous entendre très fort, les applaudir. Ce sont les Blackbirds. C'est maintenant le don juan de l'orchestre. Après moi. Les Blackbirds sont dirigés à la guitare par Mickey Jones. Et à la batterie par Tommy Brown. On va vous poser une petite question maintenant. Vous savez qu'on est là cet après-midi pour s'amuser avant tout. Vous n'êtes pas là pour travailler. Et moi quand je travaille, je m'amuse. Je vais vous poser une petite devinette auquel vous allez me répondre, d'accord ? Que croyez-vous? Vous là. Non, pas moi, vous. Que croyez-vous qu'il penserait s'il savait? Non, non, vous n'avez rien compris du tout. Non, non. Ceux qui font du bruit n'auront pas de porte-clés. Que croyez-vous qu'il pensait s'il savait? J'aimerais ce qu'elle a dit. Quand lui revenait, j'aimerais ce Gandhi. Soudain ressuscité, il serait étonné quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter Tadadidam-gam, Tadadidam-gam. Surtout avant tout, d'avoir les cheveux longs, crie dans un micro, je veux la liberté. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères se nous trompaient. Il n'avait pas pensé tout ce qu'ils ont trouvé. C'est partir en fumée, Tadadidam-gam. Bien sûr, leurs cheveux n'étaient pas assez longs. Écrire sur son blouson, la guerre de la sanité. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bonzes du Vietnam n'y avaient pas pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, partir en fumée, tadadidam-dam, tadadidam-dam. Bien sûr, leurs cheveux n'étaient pas assez longs. Christ, c'est une honte qu'ils aiment meurent de faim. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas, les hindous devront s'en contenter. Da-da-di-dam-dam, da-da-di-dam-dam. Avant de trouver mieux, leurs cheveux seront longs. croisée. Je sais que dans une cage, je serai enfermé. Mais c'est une autre histoire que la m'y fait rentrer. Tadadidam-dam, tadadidam-dam. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Fait-on pousser du blé en faisant des discours. Faut-il un uniforme pour détester la guerre? Faut-il pour être nommé ne plus chanter l'amour? Faut-il manger son pain et ne plus être fier? Tadadidam-dam, tadadidam-dam. Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs? Tadadidam-dam, tadadidam-dam. Après 1967, on quitte l'Olympia, donc, et on retrouve John Hallyday à Cambrai. C'était le 4 septembre 1970. Et ce titre, J'ai peur, je t'aime. C'est un amour qui me fait mettre au mal, mal, mal. Avec John Hayder le retrouve tout de suite en 1971, extrait du Palais des Sports de Paris, du 25 septembre 1971, la nouvelle version avec ses deux titres, La fille aux cheveux clairs, et il y aura également Il faut boire à la source. Avant de continuer à chanter. Woo! Je veux que vous sachiez que eux, elle et moi, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. C'est toujours formidable de faire quelque chose et de voir des gens comme vous et vous correspondre avec nous. Ça nous donne envie. Il y a beaucoup de filles blondes aujourd'hui dans la salle. Seulement elles, seulement les filles blondes, je veux les entendre crier. De la fenêtre de mon train, soir j'ai bu et le fille. Il y avait des cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps, longtemps voyagé. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué. Ouais. Mais les cheveux de cette fille, si blanc, si clair, si transparent, me redonnèrent cette fraîcheur que connaissent seuls les enfants. Elle n'attendait rien et personne. Je suis descendu sur le quai. Elle m'a fait visiter sa ville et marcher dans des champs de blé. Près d'un fleuve sauvage et rapide, nous avons ensemble dormi. Je crois bien l'avoir aimé au bout de la première nuit. Si vous prenez parfois le train, surveillez les quais désertés. Quelque part il y a cette fille. Elle ressemble. Elle n'attendra rien ni personne, mais ne lui parlez pas de moi, non. Car je l'ai quittée au matin, je me demande encore pourquoi. C'était une fille aux yeux clairs, je veux conserver son image.

flamme qui m'empêchait même. Visage dans le noir. Et j'avais dans la lune serré comme une poule, une poule qui m'empêchait même. Donc des derniers archives live qui sont sortis le mois de juin dernier. On peut dire que pour les prochaines archives live, la date de sortie sera décalée au mois de août, voire en septembre. Car actuellement, pour un concert, il manque encore quelques pistes. Ouais, j'en cours un peu de ça, ouais, j'en cours de ce qui se passe. Ouais, ouais. Donc vous en saurez plus prochainement ici sur l'antenne de RIG ou sinon sur le groupe Facebook Johnny de A à Z. Et du temps passé déjà à pleurer j'ai son corps et son cœur. Elle dit les mots qu'il faut avec son corps. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. On quitte 1973 pour arriver au Palais des Sports de Paris. Voici Si j'étais un charpentier, suivi de Du Pénitencier. Et tout ça dans l'émission Johnny de A à Z ce soir en live. J'aimerais maintenant dédier cette chanson à toutes les femmes. Et à toutes les filles. Que j'ai connues dans ma vie. C'est-à-dire, juste deux ou trois, quoi. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, oh mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Thank you. étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Ça rend peut-être marié. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as-tu perdu, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit, tenez donc les rues, et ils iront tout droit en prison. Il faut les oublier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini. De 1976, on passe à 1979 et ce fameux concert à Paris, au pavillon de Paris, Porte de Pantin. Et ce titre, la première pierre extrait de l'album Solitude à deux, un titre qui avait été répété également pour Bercy en 1992, mais uniquement répété, mais qui n'a jamais été joué pendant ces sessions de Bercy. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny. dans l'émission Julie de la Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Ce soir, émission live. Je bois ma vie, ou bien je la fume. Et si je chante, je n'ai pas pour des primes. Je me fais sur la terre, mon paradis, mon enfer. Si ça ne te fait pas bien, me jeter la première pierre. Pour moi, les voitures ne roulent jamais assez vite. Les chambres des filles sont toujours trop petites. Je joue l'amour au poker quand c'est à l'entour de faire. Si ça ne te plaît pas, viens me jeter la première pierre. Toi, tu meurs de peur, tu meurs de froid. Je fais pas bien me jeter là, première pierre. Quelqu'un pour filer doux sur le droit chemin. Mais j'avais en moi, je le crois bien, quelque chose en plus, ou peut-être en moi. Et c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux ainsi. Bien souvent, j'ai envie de t'écrire, mais à quoi bon, je n'ai rien à dire. Il faut croire que le temps fait du bien, emporte loin plaisir et chagrin. Et c'est mieux ainsi. Oui, bien mieux. Quelquefois, elle te ressemble un peu, quand le soleil fait briller ses yeux. Quelquefois j'ai peur de découvrir un peu de toi au fond de son sourire. Elle n'a pas pour me brûler le cœur, après l'amour, ton regard vainqueur. Mais mais elle prend ma tête entre ses mains. Elle reste là et je l'aime bien et c'est mieux ainsi. Ouais, c'est mieux ainsi. Tu pourrais donner signe de vie, mais ne va pas croire que je m'ennuie. Elle a tout pour que je sois quelqu'un. Elle m'aimera même après-demain et c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux ainsi. Oh, c'est mieux ainsi. Quand tu partiras, quand ce jour viendra, quand tu

pour le grand banquier. Les fans de filles le lever du jour ont mélangé des potions d'amour avec les filles du diable en secret pour le grand banquier. Plus tard, nous nous retrouvons au Zénith avec deux titres que je vous propose. Ma gueule et j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Vous écoutez toujours Érigé et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, c'est Johnny en live. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas. Il ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Si tu veux te la payer, cherchais plutôt des amis. Tout ça va finir que c'est foutu. Oui, j'aimerais tant te voir partir comme tu l'as si souvent fait. Et au moins mes yeux te verraient t'en aller. Encore souffrir comme ça, comme du temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, oh, je regardais mes blessures, et au moins je savais t'étais pas bien loin. Oh, j'aimerais pouvoir souffrir comme hier. Certains soirs, j'aimerais pouvoir souffrir encore demain. Nous n'avons toujours pas de Zénith 84 en vrai live. Là, ce que vous venez d'entendre, oui, c'est le son du DVD. Du DVD du Zénith 84. On retrouve tout de suite Junaïd à Montreux en 1988 avec ce titre de Jean-Jacques Goldman, Dans mes nuits, on oublie. Dans mes nuits, nos dans mes nuits rien n'est grave, dans mes nuits on oublie. Oh oui, dans mes nuits c'est pas grave, dans mes nuits c'est pourri. Et dans mes nuits rien n'est grave, dans mes nuits on oublie. On va quitter Montreux 1988 pour arriver à Bercy en 1992. Et ce titre des années 60, Johnny reprenait avec toute la fanfare derrière, si on appelle ça une fanfare. Appelez ça comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur RIG et l'émission tous les deux à Z. Tous les mercredis de 22h à minuit. Voici pour moi, tu es la seule. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville. J'ai tombé sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule.

je te le mets pas. Pour te dire que je sais m'en servir. Les gars, tu vois, pour te que je veux dire. Tu viens, rien de la garder, je vais le trouver. Sans personne ne dégage. Ce soir dans cette émission Johnny Live, je vous fais redécouvrir plein de concerts. Et quand on écoute ces chansons-là, à l'instant Dégage de Bercy 95, on se dit quand même, ça serait bien de la réécouter. Oui, oui, tout à fait. Comme vous le dites aussi sur le groupe Facebook, il y a tous ces concerts, tout à réécouter sans exception. Comme ce concert-là par exemple, Stade de France en 1998, voici cet homme que voilà. Tu vas t'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu, et perdu de remords, pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Laisser la place, je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme. Je connais ton programme, je vois ton avenir. Notre main te réveille.

vous essayez, vous aimez. Aimez-vous, aimez-vous. Est-ce que vous voulez essayer? Est-ce que vous voulez essayer de vous aimer? Est-ce que vous voulez essayer de vous aimer? Essayez.

que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Et qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. J'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Et qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui. Et une petite surprise de dernière minute. Oui, oui, il y a Elvis Presley qui va arriver sur la scène là de RIG pour vous présenter une chanson, un duo avec Johnny Hallyday. Mais lequel? Mais lequel? And black, be so lonely, lonely to all so lonesome. When I get so lonesome, baby, don't jump up and die. All right, you gotta tell to tell. And just take a walk down the street. to dwell. Let's take a walk down on it. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. You'll just be so lonesome, pretty baby. Lord, tell you good time. S'achève cette émission Jolie de A à Z en live pour le mois de mai et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour retrouver cette émission avec, je sais pas, un album de la semaine ou un truc comme ça, hein. Merci encore à tous, à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Merci pour votre présence et le podcast sera très très bientôt disponible partout. Partout sur internet, vous pouvez chercher, taper Johnny de A à Z, tout court, Johnny de A à Z, le podcast, et vous tomberez sur tous les podcasts de cette émission. À bientôt à toutes et à tous, bonne nuit, ciao ciao.